Quand j'étais tout petit, à mes premières paroles, il m'arrivait déjà de quitter mon école pour flâner solitaire sur les sentiers battus et m'endormir tranquille dans les prés défendus. Car déjà tout petit, les gens à mon école m'attristaient tout le temps de vilaines paroles. Et mon cœur s'en allait du côté des exclus, cherchant du réconfort sous les arbres dodus. Un jour de printemps, plus besoin de paroles. Au détour d'un chemin, je me sentis frivole. En face d'une inconnue qui me dit abattue, je ne reconnais rien, je crois que je suis perdu. Pas perdu pour personne et très loin de l'école, je la raccompagnais en prenant mon envol. Tous les jours qui suivirent, j'attendais convaincu qu'elle viendrait demain, ma charmante inconnue. Demain était tant de symboles. Elle arrivait gracieuse, sans toucher le sol. Elle me prenait le bras, et sans que je la crue, elle répétait sans cesse, malheur je suis perdu. Nos âmes attachées se berçaient, se cajolent. Nous vivions seulement pour cet amour d'école. Seuls dans les bois chantant, nous perdions la vertu. Mais pour ton corps doré, moi je gardais la vue. Quand un peu moins petit, dans les murs de l'école, on me dit tout gêné ces amères paroles. Ta Pauline vois-tu, ta Pauline n'est plus. Je courais dehors et pleurais dans les rues. Bien grand, je passe à mon école. Je ne m'encombre pas d'inutiles paroles et cherche avec passion sur les sentiers battus une fée amoureuse et mon cœur mis à nu.